Jazz Time, présenté par Gérard. Au cours des dernières semaines, dans la presse magazine hebdomadaire, les pages annonces comportaient un appel à candidature pour le recrutement du directeur ou de la directrice artistique de l'Orchestre National de Jazz. La date limite de dépôt des candidatures avec dossier de motivation est fixée au 20 avril. Si parmi nos auditeurs, un musicien expérimenté se sent pousser les ailes pour s'engager dans cette mission, on ne peut que l'encourager. On a pu relever que, comme cela se pratique pour ce genre de recrutement, il peut être fait appel à un directeur ou à une directrice. Pourquoi pas, puisque depuis plus de 30 ans, l'ONG est dirigée par un homme. Allez les filles, on est en plein mouvement féministe. La direction de l'ONG serait une conquête supplémentaire. Affaire à suivre, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Et en attendant, petit retour sur une des réalisations de l'ONG lorsqu'il était placé sous la direction artistique de Daniel Ivinec et qui nous avait proposé un voyage dans l'univers du compositeur argentin Astor Piazzolla. Thank you. L'Orchestre National de Jazz, lorsqu'il était dirigé par Daniel Ilvinec, c'était l'occasion de vous rappeler l'annonce publiée dans la presse, l'annonce de recrutement d'un directeur artistique ou d'une directeur artistique pour la prochaine mandature de l'ONJ. Même si vous n'êtes pas un grand amateur de musique dite classique, vous n'avez pas échappé à toutes les formes qu'offrent CD, concerts, émissions radio qui célèbrent le centenaire de la disparition du compositeur français Claude Debussy en 1918. Alors vous avez peut-être écouté quand même La Mer ou peut-être Prélude à la Pyramidie d'un faune, et quelle que soit la chapelle musicale, chacun se sent obligé de rendre hommage au compositeur, et la jazzosphère est de la partie avec l'album solo du pianiste Hervé Salin pour un album Jazz Impression, tandis que le pianiste italien Enrico Pieranuzzi, lui sous le titre Monsieur Claude, et avec son trio propose une relecture de Debussy comme il l'avait fait par le passé pour Handel et Scarlatti. Or il se trouve que voici tout juste 80 ans, l'orchestre du clarinettiste Artichaut, et oui c'est bien son nom, personnalité du jazz de la période swing, avait choisi d'interpréter la composition Rêverie de Claude Debussy. On notera la présence de la vocaliste Hélène Forest, voici l'orchestre d'Artichaut, My Rêverie. Thank you. l'orchestre du clarinettiste Artichaut avec la vocaliste Hélène Forest interprétait une composition de Claude Debussy, My Reverie. Alors ça n'est peut-être pas un sacrilège musical de la part de musiciens de jazz lorsqu'ils choisissent de relire des œuvres, des compositions dites classiques. Et de son côté, le clarinettiste Milly Goodman, qui dirige une grande formation et qui fait aussi partie d'un remarquable quartet, s'est intéressé à des œuvres classiques reprises par son orchestre de jazz, mais aussi des œuvres concertantes dédiées à la clarinette, comme le quintet pour clarinette de Mozart, le concerto en la majeure pour clarinette du même Mozart. Mais plus inattendu, l'interprétation par Goodman d'un Caprice de Paganini, une œuvre le plus souvent dédiée à un violoniste. Alors voici Caprice Paganini, l'orchestre de Benny Goodman. Le clarinettiste Benny Goodman, à la tête de son grand orchestre, avait choisi d'interpréter une composition de Paganini, Caprice Paganini. C'est une interprétation un petit peu swingante, mais qui est quand même très agréable à écouter. Django Reinhardt, lui aussi, aimait la musique classique et particulièrement les compositeurs impressionnistes comme Debussy. Et il reprendra à son tour en 1950 le thème Rêverie après Artichaut. Django avait aussi beaucoup de respect pour Jean-Sébastien Bach, dont il empruntera le premier mouvement du concerto en ré mineur. Mais Django improvisera aussi sur la partition. À noter que ses improvisations, Django les récidivera à partir de compositions de Grieg ou de Tchaïkovski. Alors je vous propose d'abord d'écouter Django interprétant Debussy, voici donc Rêverie. Thank you. Reinhardt interprétant Rêverie de Claude Debussy dont on fête en ce moment le 100e anniversaire de la disparition en 1918. Eh bien, place à Jean-Sébastien Bach, après Debussy, Jean-Sébastien Bach que révérait Django Reinhardt, le voici maintenant sur un autre style de musique classique mais bien revu par Django. Stéphane Grappelli et Django Reinhardt s'attachent à interpréter Jean-Sébastien Bach. C'est un enregistrement qui date de 1937. Arte Thom, pianiste virtuose, s'est exprimé souvent en solo et en trio et lui aussi a été tenté par des œuvres de compositeurs classiques. En premier lieu, un compositeur du 19e siècle, Anton Dvorak, connu pour sa symphonie du Nouveau Monde, mais aussi pour une œuvre concertante et des quatuors. Le pianiste de jazz Arte Thom interprète ici en piano solo une pièce de Dvorak enregistrée lors d'un concert donné à Los Angeles en avril 1949. Voici Arte Thom, humoresque. Arte Thom rencontre une composition d'Anton Dvorak, c'était humoresque. Eh bien, là, on est un peu dans le passé, mais plus près de nous, il y a quelques semaines, un quintet à cordes, le Jazz Sound 5, a interprété des compositions de jazz revisitées par des arrangeurs originaux, réconciliant jazz et classique. C'était au festival Audito de la MJC des Forges, tandis que à l'occasion du festival Vent Jazz, on a pu retrouver en concert une formation regroupant 5 cornistes classiques et une rythmique avec au vibraphone Franck Tortillier, authentique musicien de jazz reprenant des airs d'opéra. C'était donc la démarche du Mallet Horn Jazz Band, comme quoi les rapports jazz et classique eh bien, continuent à se perpétuer et offrent des prestations qui touchent tous les publics. Le clarinettiste Woody Herman aura passé sa vie à faire en quelque sorte la réalisation de son rêve. Malgré les soutiens financiers permanents qu'il avait, il voulait faire vivre un grand orchestre avec de remarquables solistes. Et dans les années 40, à son apogée, l'orchestre de Woody Herman collectionne les succès et Woody va avoir l'opportunité de rencontrer un compositeur en vogue, un certain Igor Stravinsky, qui a lui proposé d'écrire une pièce. Ce sera Ebony Concerto, qui sera interprété en 1946 à Carnegie Hall à New York. Et comme Duke Ellington, Stravinsky saura intégrer les influences de l'époque à son propre style dans cette composition originale dont il dirigera l'enregistrement en août 1946 à Los Angeles. Cette pièce en deux parties comporte trois mouvements de l'orchestre et c'est une grande formation avec des grands solistes comme le trompettiste Shorty Rogers, au saxophone ténor Phil Phillips ou Jimmy Rolls au piano. Alors je vous propose d'écouter la partie 1 et la partie 2 de ce Ebony Concerto. Voici la première partie. Thank you. la première partie de Ebony Concerto composé par Stravinsky et interprété par l'orchestre du clarinettiste Woody Herman. Et comme vous semblez apprécier cette première partie, je vous propose d'écouter la seconde partie d'Ebony Concerto de Stravinsky par Woody Herman. De larges extraits de la composition d'Igor Stravinsky, Ebony Concerto, interprété là par l'orchestre de Woody Herman. On notera que Benny Goodman lui aussi a enregistré Ebony Concerto. Et pour réconcilier les pour et les contre cette connivence entre jazz et musique classique, je citerai le chef d'orchestre, compositeur et pianiste André Prévin qui déclarait, je le cite, « La différence essentielle entre la musique classique et le jazz réside en ce que dans la première, la musique est toujours plus importante que l'exécution, alors que la fin façon dont le jazz est joué est plus importante que ce qui est joué. Le débat reste ouvert. Après cette séquence musique classique et jazz, j'ai pensé qu'il serait agréable de vous proposer, en dehors de toute actualité, une voix qui soit féminine ou masculine. Et les candidatures ne manquent pas. Après Norma Winston, puis Abby Lincoln dans un tout autre style, voici Blossom Dearly. C'est une voix presque enfantine, fragile, un peu sophistiquée, qui s'est fait connaître au début des années 50. Elle était venue en France où elle participera au groupe de vocalistes les Blue Stars. Blossom Dearly est aussi pianiste. Elle a réalise un album qui l'a fait connaître en 1957, où elle est accompagnée d'un trio prestigieux, Ray Brown à la contrebasse, Herb Ellis à la guitare et George Jones batterie. On peut rappeler que Blossom Dearly a été l'épouse du saxophoniste belge Bobby Jaspar. Alors je vous propose Blossom Dearly qui interprète ce titre « They say it's spring ». Alors on voudrait bien croire Blossom Dearly sur parole. When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring. This feeling light as a feather. They say this thing, this magic we share together, came with the weather too. They say it's May that's made me daft as a daisy. It's May, they say, that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark on the wing. I'm the spark of a firefly's fling. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. That when a heart's sympathetic, it's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true. Though I know that it's so, that my fancy may turn in the spring, with a right one in sight, one can find a perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me, though it was spring? That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring, 'twas you. La voix douce de Blossom Dearly, mais qui nous annonce le printemps avec ce titre « They say it's spring ». Sur l'agenda de Jazz Time, les rendez-vous avec le jazz vivant. En mai, fais ce qu'il te plaît selon le dicton populaire et pour l'amateur de jazz, il y aura abondance d'occasions d'écouter du jazz live avec floraison de festivals de printemps dans le Grand Est et même au-delà. Alors Jazz Time vous propose un tiercé, Münster du 8 au 12 mai en Alsace, du blues, du swing dans la grande tradition pour cette 31e édition. Au Luxembourg, ce sera du 10 au 13 mai, à raison de 3 concerts par soir, une affiche très dense qui offre une palette étendue de couleurs musicales. Et à Marly en Moselle, du 17 au 20 mai, des musiciens américains, européens et aussi des régionaux. Bien entendu, Jazz Time vous proposera prochainement des numéros spécialisés dédiés au festival de Dudelange et de Marie. Mais en attendant, voici une interprétation de l'orchestre de Laurent Mignard qui sera en clôture du festival de Münster le 12 mai. Un répertoire en hommage à Duke Ellington. Voici enchaîné Kinderdukisch et Rock in Rhythm. C'était le Duke Orchestra dirigé par Laurent Mignard, un orchestre qui clôturera le festival de Münster le 12 mai en soirée. C'était un premier panorama que Justin vous propose, un panorama des festivals de printemps. La réalisation technique de ce numéro était assurée par Quentin. Un grand merci à lui. Je vous retrouve moi dans une semaine pour un numéro spécial qui sera consacré à mai 68 et le jazz. À bientôt. Au revoir.